Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la fatwa contre Salman Rushdie. Et moi je suis atterré par ce retour en arrière, par ce retour à la case départ, par cette horreur, cet homme qui était en train de redevenir un homme libre et qui est de nouveau un gibier chassé par les lanceurs de fatwa et par ceux qui seraient tentés de l'appliquer. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy qui réagit à l'annonce de l'augmentation de la prime promise par l'Iran à celui ou celle qui assassinera l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie. Cet extrait date de février 2016, 27 ans après la fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini en appelant à la mort de Salman Rushdie à la suite de la publication de son roman « Les versets sataniques ». 27 ans plus tard, l'Iran décide de relancer la fatwa de Khomeini en augmentant la prime promise à l'assassin. Eh bien, l'ayatollah Khomeini ne lésine pas sur les moyens pour se débarrasser d'un mauvais musulman. Il vient de condamner à mort l'écrivain Salman Rushdie, de même que les éditeurs de son roman « Les versets sataniques », parce qu'il considère qu'il s'agit là d'une insulte à l'islam. Khomeini a demandé à tout musulman zélé d'exécuter la sentence, et Francine Bastien a constaté que Rushdie, qui vit à Londres, prend la menace au sérieux. Les 2 millions de musulmans de Grande-Bretagne ont manifesté contre l'éditeur Viking Pingouin pour bannir l'ouvrage des librairies britanniques, mais sans succès. Versets sataniques est interdit au Pakistan, en Inde et en Arabie saoudite. À Islamabad, le week-end dernier, une manifestation pour en bannir la vente aux États-Unis a fait 5 morts. Lui-même musulman, né à Bombay, éduqué en Angleterre, Salman Rushdie est maintenant protégé jour et nuit par Scotland Yard. Vendu à plus de 40 000 exemplaires en Grande-Bretagne, Versets sataniques provoque la colère des fondamentalistes à cause d'un passage du livre, une allégorie poétique qui fait allusion au prophète Mahomet. Insulte d'autant plus vexante pour les fondamentalistes que Rushdie est lui-même musulman. Loin de prendre la menace Khomeini à la légère, Rushdie songe maintenant à annuler une tournée de promotion de son livre aux États-Unis. L'éditeur américain de l'écrivain a reçu des milliers de lettres de menaces qui annoncent déjà une autre escalade de violence fondamentaliste. Extrait du téléjournal de Radio-Canada le 14 février 1989, le jour où l'ayatollah Khomeini prononce une fatwa qui demande la mort de l'écrivain Salman Rushdie. Pour nous raconter l'affaire Salman Rushdie, mon invitée Julie Paquette, professeure adjointe à la Faculté des sciences humaines et de philosophie de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Julie Paquette, bonjour. Bonjour. Julie Paquette, vous avez consacré votre mémoire de maîtrise à cette affaire Salman Rushdie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette affaire-là? Oui, c'était il y a 10 ans maintenant. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Salman Rushdie. Au départ, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est la question du roman. Qu'est-ce qui fait qu'un roman a fait scandale de cette manière-là? Et qu'est-ce qui, dans le geste artistique du roman, vient causer un trouble dans la politique? Donc, moi, j'ai une formation de politologue et je m'intéresse au lien entre art et politique. Et là, il y avait un scandale. Et donc, j'ai essayé de m'intéresser à ce scandale-là. Qu'est-ce qui fait scandale? Voilà, puis il y avait un exemple parfait, un objet d'art, un roman qui fait un tel scandale politique. Ce qui est fascinant dans cette affaire-là, d'ailleurs, c'est qu'on peut le dire, à peu près tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, mais de cette affaire, je dis, mais très peu, tout est relatif, ce roman-là a été vendu, mais en tout cas, dans les gens qui nous écoutent, probablement très peu l'ont lu. Oui, c'est souvent le cas des œuvres à scandale, en fait. La plupart des gens les connaissent, en parlent même, ou ont lu des extraits, mais très peu vont avoir lu le livre d'un bout à l'autre. Milan Kundera a une très belle expression pour ça. Il dit que le roman a été transformé en corps de délit. Donc, on en a fait un corps transgressif, mais on ne s'intéresse plus au contenu du roman, donc à la trame. Le roman de Rushdie est devenu un corps de délit. Ouais. Un peu de contexte avant d'aller plus loin. Évidemment, on revivra cette affaire ensemble, ce qui fait scandale aussi, ce qui scandalise tant une partie du monde musulman. Mais un peu de contexte sur, d'abord sur l'auteur. Qui est-il, Salman Rushdie? Alors, Salman Rushdie est né à Bombay et très jeune, son père va l'envoyer en Grande-Bretagne pour étudier. Ce qui est intéressant, je vais le dire d'emblée, Salman Rushdie s'appelle Salman Rushdie en l'honneur de Averroès, Ibn Rushd. C'est son père qui va lui donner ce nom-là. Donc, c'est un héritage d'un philosophe rationaliste, critique déjà de la religion musulmane. Mm-hmm. Et donc, son père l'envoie en Grande-Bretagne pour étudier. Donc, il fera ses écoles là-bas. Ouais. Et il travaillera dans la publicité. On lui doit même d'avoir inventé le slogan pour les barres de chocolat Aéro. Ah bon? Il travaillera chez Air Canada aussi, avant d'écrire son premier roman, Midnight Children, Les enfants de minuit, en 81, pour lequel il sera primé, donc qui se déroule en Inde. Il écrira un deuxième roman aussi, Shame, qui se passe au Pakistan. Donc, un peu ses racines, hein, d'où mm-hmm. il vient. Donc au moment... Et toujours, parce que vous parliez de son nom, je ne connaissais pas cette histoire sur l'origine de son nom, mais de fait, au fil de ses romans, avant les versets sataniques, cette espèce de préoccupation, de combat qu'il mène d'une certaine manière toujours contre l'obscurantisme, ça c'est toujours présent. Oui, c'est présent, c'est présent, c'est aussi quelque chose qu'il a de par sa famille aussi, donc, et je dirais, à la différence là-dedans, ses deux premiers romans, c'est vraiment sur la question des origines, hein, d'où il vient. Les versets sataniques, ce sera plus sur ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire l'immigration, l'exil, etc. Alors, mais parlons-en des versets sataniques. Il est connu, donc, déjà, quand il publie les versets sataniques. Très connu, reconnu, primé. Qu'est-ce que ça raconte, ce roman? C'est un roman qui appartient à la tradition du réalisme magique. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs enchevêtrements d'histoire. Hein. C'est comme un récit de rêve dans un rêve dans un rêve. Donc, ça commence par la chute de deux protagonistes. Donc, les deux personnages principaux tombent d'un avion. Mm-hmm. On dit ils tombent aussi hors du livre, hors du récit, hors de la tradition. Ils vont faire une espèce de chute abracadabrante. Ils vont tomber sur une île. Un va se transformer en ange. Un autre se transforme en diable. Et là, ils vont errer à Londres. Ils vont rencontrer toutes sortes d'épopées. Londres va se transformer en ville tropicale. Le musée de cire, les statues vont fondre. Et un des personnages principal fera des rêves, plusieurs rêves. Il est dans un questionnement sur sa foi, il questionne son héritage, son passé. C'est dans ces rêves-là qu'il songera à la révélation coranique. Oui. Et c'est là où on touche à l'aspect problématique du roman Les versets sataniques. Parlez-nous-en davantage, mais qu'est-ce qui pose problème dans ce roman-là? Ouais. Il y a effectivement quelque chose qui pose problème avec ce roman-là. Donc, d'emblée, il y a cet épisode qui s'appelle l'épisode des versets sataniques, qui est un épisode qui est relaté qui existe. Et qui est relaté dans le Coran, en fait. Qui n'est pas relaté dans le Coran, qui est relaté par les historiens du Coran, dont Al-Tabari. Dans le Coran, ça a été enlevé, ce verset-là. En fait, pour faire une histoire courte avec une histoire très longue, lorsque Mohammed est à Médine, c'est une ville polythéiste, et donc la nuit, l'archange serait venu le visiter et lui aurait dit « Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, le seul, l'unique, le miséricordieux, mais vous pouvez aussi vénérer trois déesses, donc Allah, Al-Oza et Mana. Mmh. » Et donc le matin, Mohammed se lève et dit « Ah, ben, il n'y a qu'un seul Dieu, mais on peut aussi vénérer trois déesses. » Et donc, à Médine, polythéiste, c'est un peu la grande fête parce qu'on se dit on peut enfin célébrer les deux cultes ensemble. Il n'y a pas nécessairement de contradiction. Or, la nuit suivante, l'archange revient et dit à Mohammed, « Hier, ce n'est pas moi qui est venu te voir, c'est Satan. Et donc, tu dois vénérer qu'un seul Dieu. » Et donc, il se lève le jour suivant et dit, ce n'est pas Dieu qui était venu me voir le premier jour, mais c'est Satan. Et de quelle manière Rushdie, dans son roman, utilise ça et qu'est-ce qui pose problème avec l'utilisation qu'il en fait? Oui. En fait, il va relater presque exactement ce que je vous ai dit. Ouais. Et ce qui est très drôle ou pas drôle, tout dépendant de quel côté on le prend, mais il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Salman le scribe, qui va relater cet épisode-là. Ouais. Donc, Salman Rushdie se met lui-même en scène dans ce livre-là. Et ce qui pose problème, donc il raconte, somme toute, exactement ce que je viens de vous raconter. Là. Mais c'est dans un rêve, hein, c'est dans un roman, dans un rêve. Donc, ce qui pose problème, c'est que si on se dit que Satan est intervenu une fois, qu'est-ce qui nous dit que Satan n'est pas intervenu à d'autres endroits dans le Coran? Et donc là, ça vient jeter le doute dans la révélation coranique. Et c'est pour ça que c'est signifiant. Ça, ça vient jouer dans les mythes fondateurs. Et pour certains musulmans, c'est comme une forme de... Ils ramènent un verset qui avait été retiré du Coran. C'est pour certains une forme de réécriture ou de contestation du Coran. C'est un peu ça, au fond. Oui, on peut dire ça, mais chaque discours constituant, donc c'est-à-dire qu'on parle du Coran, qu'on parle de la Bible, qu'on parle même du discours constituant de la Révolution française, un discours constituant, un discours fondateur, c'est un discours qui refuse le doute, qui s'autosuffit. Intouchable. Intouchable et qui se doit de rejeter le doute pour créer des assises solides sur lesquelles on édifiera par la suite. Et lorsqu'on vient introduire le doute là-dedans, c'est extrêmement pernicieux, que ce soit pour n'importe quel discours constituant. Et ça va donner, évidemment... des réactions très, parfois très violentes. Le monde, une partie, en tout cas, du monde musulman va vraiment s'opposer, manifester contre cette manière dont Rushdie se réapproprie les versets sataniques. On écoute à l'époque, le 16 février 89, le chef spirituel des chiites européens, Mehdi Rouhani, à l'émission Le Point, animée par Madeleine Poulain. C'est un musulman que dans son livre, il renie le principe même de l'islam, il renie sa religion, il met en doute l'authenticité de notre livre saint. Mais il s'agit d'une œuvre de fiction, Ayatollah Rouhani. L'auteur ne prétend pas décrire des faits. Vous voyez, de toute façon, nous jugeons les gens à travers de ce qu'il nous a présenté. Ce livre, quand j'ai lu, c'est un livre... qui profanait l'islam. C'est un livre qui a, à travers de lequel il a essayé de détruire notre civilisation, notre foi et notre religion. Bon, selon la jurisprudence islamique, il est susceptible d'être condamné à mort. Mais Julie Paquette, quand vous entendez cette réaction, ça nous dit quoi, en fait, sur ce qui dérange tant certains musulmans? Fethi Benslama, qui est un musulman psychanalyste français, aura des mots très justes, je crois, pour expliquer ce qui s'est passé. Il dira « La fiction, donc le roman, n'est jamais innocent. » Il y a quelque chose dans le roman qui trouble, qui vient jouer dans l'imaginaire. Et donc, en fait, le fait que ce soit, parce que Madeleine Poulain pose la question, le fait que ce soit un roman n'atténue pas, au contraire, en fait, la portée du propos de Salman Rushdie. D'une part, je pense que c'est tout à fait juste. C'est le fait que ce soit fait dans une forme romanesque, c'est peut-être encore plus signifiant, en fait. Mais je dirais, d'autre part, ce qu'on a entendu dans l'extrait, c'est une fin de non-recevoir catégorique, alors que ce qui est intéressant dans le roman de Salman Rushdie, c'est qu'il critique l'islam, certes, le fondamentalisme musulman, mais il le critique avec. Donc, il y a tout un jeu où il va aller jouer avec le récit coranique pour le critiquer ou pour le remettre en scène. Mais il y a une espèce de jeu avec et non seulement contre. Et donc, c'est ça qui est peut-être moins capté, je dirais, au départ avec le scandale. Oui. Il commence quand et où ce fameux scandale? Les manifestations dans le monde musulman, ça commence quand et où? Ça commence au Pakistan, donc dès la sortie du livre. Il faut dire qu'avec son roman « Shame », qui était sorti en 88, déjà, il y avait certaines autorités pakistanaises qui étaient plus ou moins enchantées par le roman de Salman Rushdie. Il y aura... à la suite de ça, plusieurs manifestations en Grande-Bretagne, en Arabie saoudite, en Somalie, qui culmineront là, au fameux 14 février 1989. Le jour où l'ayatollah Khomeini y va de cette fameuse fatwa qui demande la mort de Salman Rushdie. Pourquoi il prononce cette fatwa? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il pousse à cette fatwa? On est en 1989, donc l'Iran est au sortir de la guerre Iran-Irak. Et l'ayatollah Khomeini se doit aussi, ou en tout cas essaie de réaffirmer son autorité en tant que chiite, mais aussi pour rassembler les sunnites. Et donc, dans sa fatwa, il va en appeler à tous les musulmans zélés, c'est son expression, c'est pas la mienne, tous les musulmans zélés de la planète. Il va les appeler à tuer, littéralement, Salman Rushdie. Et donc, Salman Rushdie sera un peu le bouc émissaire, je dirais, de cette volonté de réaffirmer une autorité au sortir de la guerre. Il va réagir comment, Rushdie, à cette fatwa, à cette mise à mort, en fait, qui est prononcée contre lui? Au début, on va lui dire, vous savez, vous pouvez vous cacher pendant une dizaine de journées, ça devrait passer. Mais très vite, il va se rendre compte que ça prend beaucoup d'ampleur. Il sera amené à vivre, somme toute, dans des maisons, cachées, constamment surveillées par la police, donc avec deux chauffeurs, deux gardes du corps en permanence. Il va prendre un nom d'emprunt, ce sera Joseph Anton. Il va écrire une biographie, justement, qui porte ce nom-là, Joseph Anton. Mais sur le coup, il n'y croit pas trop. Après, très vite, ça prend des proportions très grandes. Et puis, il va affirmer avoir vécu très mal, je dirais, ces 10 années où il a vécu vraiment en captivité. En fait. Ouais. Il n'y aura pas unanimité dans le monde musulman. Le monde musulman ne réagira pas de la même manière partout à cette fatwa. On écoute à ce propos un reportage, l'extrait, en fait, d'un reportage de Bruno Philippe à Peshawar, au Pakistan. On est au moment de la crise, le 16 février 89. Auront lieu demain dans tout le Pakistan contre la publication en Occident du dernier livre de Salman Rushdie, cet écrivain d'origine indienne vivant à Londres. Lundi dernier, à Islamabad, la capitale pakistanaise, 5 personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police après avoir saccagé le centre américain. De retour d'un voyage en Chine, le premier ministre pakistanais Benazir Bhutto a condamné ces manifestations, estimant que les fondamentalistes musulmans sont des comploteurs contre son gouvernement. Cela paraît bien être le cas aujourd'hui, puisque les plus radicaux d'entre les zélateurs du prophète ont saisi le prétexte du livre de Salman Rushdie pour monter au créneau contre cette femme qui a osé devenir premier ministre en terre d'islam. De Peshawar, Bruno Philippe, pour Radio-Canada. Alors, on le voit bien, on l'entend bien, Julie Paquette. Vous en parliez pour l'Iran il y a un instant, on l'entend pour le Pakistan. Il y a vraiment une dimension politique qui est associée à cette affaire Rushdie. On entend aussi qu'il n'y a pas unanimité dans cet extrait. Comment réagit le monde musulman à cette fatwa? Oui, il y aura plusieurs réactions. La réaction la plus, je dirais, marquée, celle qu'on a retenue, c'est la fatwa, l'arrêt de mort. Il y aura des manifestations extrêmement violentes. La deuxième réaction, il y aura des artistes musulmans aussi qui en appelleront à répondre par la plume. Hein. Mm-hmm. Donc, on attaque par la plume, répondons par la plume. Donc, c'est un autre type de réponse aussi. Et il y aura aussi des musulmans qui diront, en fait, il y a quelque chose même dans ce roman-là qui fait en sorte que ça s'inscrit même au cœur de la révélation. C'est-à-dire, je serai très brève, le personnage principal s'appelle Saladin. Il part, il est en exil, il se cherche, il cherche ses racines. Et à la fin du livre, il reprend son nom, Salahuddin, et il retrouve son père. Et donc, il y a aussi toute une forme d'exil dans le roman qui peut rappeler l'exil de Mohammed à Médine et le retour à la Mecque. Donc, il y a vraiment 3 types de lecture, je dirais, de cette histoire-là qui complexifie beaucoup. Il y a des voix importantes de l'islam qui, au fond, vont condamner la fatwa. Oui, oui, tout à fait. Qui vont condamner la fatwa et qui vont même condamner le fait que l'ayatollah Khomeini se soit prononcé comme le chef de tous les musulmans aussi. Et là, ça fait absolument pas une unanimité. La réaction du côté occidental, si on pouvait la résumer? La réaction du côté occidental, en fait, au début, les autorités ne seront pas présentes pour soutenir Salman Rushdie. On dira qu'il y a effectivement peut-être quelque chose qui fait scandale, qui blesse, mais on condamnera la violence. Mm-hmm. Donc, on dira oui, ça blesse, mais on condamnera les réactions en disant il ne faut pas non plus tomber dans l'extrémisme dans les réactions. Donc, il n'aura pas, je dirais, le soutien espéré au départ. Des politiques, en tout cas, on ne se précipite pas pour aller embrasser Salman Rushdie. Ah non, tout ça, à fait. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, il est protégé par Scotland Yard. Il y aura, je l'ai dit pour l'anecdote aussi, mais même un pays comme le Canada va temporairement interdire la distribution du livre ici pour ensuite en permettre la vente. Puisqu'on parle du Canada, écoutez l'écrivain John Saul qui raconte justement l'importance qu'aura la visite au Canada de Salman Rushdie en décembre 92 pour la suite des choses. Extrait de l'émission Le Point du 24 septembre 1998. On est arrivé à le faire venir au Canada. Le GRC, évidemment, a joué un rôle énorme. Il y avait 60 de policiers autour de lui tout le temps, en secret, grand secret, pour une soirée, grande soirée de 1200 personnes du PEN. Mais personne ne savait qu'il venait, évidemment. C'est une soirée à son nom, mais sans lui. Et puis, subitement, lui, il est arrivé sur scène. Alors, il y a une énorme émotion, comme vous pouvez imaginer. Et puis, Bob Rae, qui était à cette époque-là premier ministre d'Ontario, est arrivé sur scène et l'a embrassé. C'était la première fois qu'un chef de gouvernement élu embrasse Salman Rushdie. Nous sommes partis rapidement à Ottawa, où on était reçus le matin suivant par Barbara McDougall, ministre des Affaires étrangères à l'époque. À mon avis, une grande partie du gouvernement était plutôt contre. Le premier ministre a refusé de le recevoir, hein, M. Mulroney. Mais elle l'a reçu, elle a pris ça sur son dos. Et puis, à 2 heures, il y avait la période des questions. Et M. Chrétien a posé 3 questions de suite à M. Mulroney pour dire pourquoi vous ne l'avez pas reçu. Et Mulroney essaie de, si vous voulez, de virer autour. Mais dans notre 3e question, pour s'échapper, grosso modo, il a, je ne me souviens pas exactement, il a grosso modo dit quelque chose comme « elle l'a reçu pour nous ». Et puis, alors, subitement, on a changé une visite secrète en visite quasiment officielle. Et dans les heures qui suivaient, Mme McDougall a téléphoné à son homologue anglais, le ministre anglais, pour dire « mon cher, je viens de recevoir officiellement votre citoyen, M. Rushdie, à vous de jouer ». Et dans les mois qui suivaient, Salman Rushdie a été reçu par le ministre anglais et puis le premier ministre. C'est assez extraordinaire, cette anecdote, cette histoire que raconte John Saul, Julie Paquette. Effectivement, plus tard, donc, il y aura un rapprochement. Les politiques appuieront plus ouvertement Salman Rushdie. Pour lui, les gens qui ont travaillé au roman aussi, parce que la fatwa le touche lui, mais touche les éditeurs, les traducteurs, quel sera l'impact concrètement de cette fatwa? L'impact sera assez significatif. Salman Rushdie va vivre pendant 10 années, comme je disais, sous surveillance constante, à l'abri des regards. Au niveau de sa vie personnelle, il va en souffrir aussi. Mais il n'est pas le seul à souffrir de cette fatwa-là. Il y aura des bombes qui seront posées chez des libraires. Il y aura le traducteur japonais qui sera assassiné en 1991. Le traducteur italien qui sera victime d'un attentat. Mm-hmm. Donc, il y a des dommages collatéraux assez significatifs à cette fatwa-là. Ouais. Je reviens au tout début de l'émission. On entendait Bernard-Henri Lévy en 2016 parler de cette décision d'augmenter la prime qu'on verserait aux assassins de Salman Rushdie. Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? Que la fatwa tient toujours, qu'il va devoir toute sa vie vivre avec cette menace de mort? Oui, c'est assez intéressant de poser cette question-là, mais en fait, j'ai écouté plusieurs entrevues de Salman Rushdie aujourd'hui parce qu'il a sorti un livre récemment. Et donc, depuis 1998, Salman Rushdie ne vit plus caché. Il ne vit plus sous surveillance policière. Il a vécu longtemps aux États-Unis par la suite. Il y a toujours une fatwa qui plane, mais celle-ci est promulguée par des fondations privées. Mm-hmm. Et donc, ça n'a plus nécessairement pour lui le même sens. Et il a décidé aussi de poursuivre sa vie d'écrivain avec autant de liberté que faire se peut, oui, dans les circonstances. Julie Paquette, professeure adjointe à la Faculté des sciences humaines et de philosophie de l'Université Saint-Paul à Ottawa, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.